Chanson mélancolique, chanson qui vient du cœur. Elle est pour toi, maman. En attendant ton retour dans ma vie, je poursuis ma vie. J'ai grandi loin de toi. Et toi, qu'as-tu pensé de ta vie? Qu'as-tu pensé pour moi? Est-ce qu'au moins tu as une pensée pour moi? Hein, maman, j'ai toujours pensé à toi. Et il a fallu que je pense mes blessures. Il a fallu que je parcours ma vie seule. Il a fallu que je me fortifie au fur et à mesure des années qui ont passé. Famille d'accueil, foyer, voilà, maman, la vie que tu m'as donnée. Ce morceau mélancolique, pour toi, mère alcoolique, j'ai pensé toutes ces blessures et pensé à toi toutes ces années. Maman, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu fait ça? Je ne sais pas ce qu'aurait pu être la vie avec toi. Le soir, j'y pense, je pleure, je fais des cauchemars. Alors ce morceau mélancolique, pour toi, maman alcoolique, juste pour te dire sur ce morceau, adieu, adieu maman, chacun sa route.